Helmut, c'était comment ce week-end d'ailleurs ? Oh, une histoire de fou ! J'étais peinard en train de faire un frottis à ma concierge, Madame Pedrosa. Puis d'un seul coup, le téléphone sonne. Ah. Allô ? Salut Helmut, c'est Valérie. Ah, t'es pas mort toi ? Ben non, ça va même plutôt bien. Tellement bien, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Tu vas devenir acteur des films de qui, toi ? Ben non, quelle idée chaugrenue, mon ami. Bon, ben tu fais quoi alors ? Dépêche-toi, hein, je suis en consultation. J'ai même laissé mes instruments dans ma patiente. Alors voilà. Mon cher Helmut, je me marie. Oh, que les couilles du Kaiser me fouettent le gland ! C'est génial ! Je suis assez d'accord avec vous, c'est génial. Bon, et c'est qui la malheureuse ? La chanceuse, je veux dire. Voilà, c'est Mademoiselle Maïté. Hein ? La grosse qui tue les cochons à main nue ? Absolument, mon ami, absolument. Par ailleurs, je serais très flatté si vous acceptiez d'être mon témoin de mariage. Oh, mais avec grand plaisir, vieux Kroumir ! Et c'est quand ? Ah ben, c'est cet après-midi. Quoi ? Tu m'aimerais bien que maintenant ? Pour vous dire la vérité, j'avais choisi Jean Lefebvre comme témoin, mais on m'a dit ce matin qu'il était mort. Je doute qu'il puisse se libérer pour la noce. Bon, je suis un peu vexé du deuxième choix, mais enfin bon. Allez, j'accepte quand même. En général, il y a toujours de la radasse à humilier dans les raillages, dans les mariages. Mademoiselle Maïté, acceptez-vous de prendre pour mari Monsieur Valéry Giscard d'Estaing ici présent ? De l'aimer, de lui être fidèle, de le soutenir jusqu'à ce que la mort vous sépare. Ah, ça, je vais le choyer, mon petit Valéry, eh. Je vais l'aimer comme il a jamais vu. Plusieurs fois par jour, je vais lui vider le terril, au vieux crabe, eh. Attention, mon poulet, il va falloir assurer, eh. J'espère qu'il marche encore, ton coup de canard, parce que Maïté, c'est une marmite. Moi, j'ai souvent la poêle qui fume, mon lapin. Oh, je suis drôle. Monsieur Valéry Giscard d'Estaing, acceptez-vous de prendre pour épouse Mademoiselle Maïté, de la protéger, de l'aimer, de la protéger, de la nourrir jusqu'à ce que la mort vous sépare. Bah alors là, sans hésitation, moi je dis que... Stop ! Arrête, malheureux ! Mais enfin, moi je suis, j'arrive. T'as pas entendu ce qu'il a dit, le travelot ? Le chat, travelot. Mais là, le mec avec les chambres violettes ! Vous blasphémez, mon frère. Je suis pas ton frère, vieux Fedec. Alors me parle pas, je te mords le pif. Valérie, bon Dieu, il a dit que tu devais la nourrir jusqu'à ce que la mort vous sépare. Eh ben dis donc, de quoi il se mêle, le tyrolier ? Ta gueule, la grosse ! Valérie, ça va te coûter une fortune en bouffe, cette affaire. Et t'as vu son bide ? Dis non ! Ouh, il m'a l'air bien nerveux, le mangeur de choucroute, eh ? Allez, viens voir là, Beethoven, je vais te caresser les schtroumpfs, ça va te détendre. Passe ! Non ! Mais ça va pas, quoi ? Tu touches à mon short, t'es morte ! Tu. Viens voir, maman Maïté, elle va te ramollir la pointe du casque. Tu te sentiras mieux après une bonne vidange. Oh, bah alors là, moi je dis non, hein. Ça c'est de l'adultère avant l'heure. Oh, bien dit, mon Valérie. Allez, viens avec moi, on se casse. Alors là, moi je dis oui. Eh, vous n'êtes qu'une bande de pâtés de cul de mouche, voilà ce que vous êtes. Allez, viens par là, curé, rends-toi utile, j'ai la carcasse qui frétille. Et voilà comment ça s'est passé, mes amis. Avec la Maïté qui a la carcasse qui frétille. Oh là là, quelle horreur. Heureusement, j'étais là pour sauver mon Valérie. Bon, je vous laisse. Hein. J'ai encore oublié Madame Pedrosa avec mes instruments à l'intérieur. Allez, au revoir.